Wesh, Frollo, bien ou bien ou quoi? Ouais, cool ou quoi, vibe? On est là, tranquille. Eh, hey, mais t'es chelou la dernière fois, t'es parti trop vite de la soirée, c'est quoi ton truc? Quelle soirée? C'est, t'étais avec une meuf, elle était trop fraîche, chargée. Ah ouais, ouais, la Christine là, ouais, elle est voilà. Douce. Voilà. Hein. Ouais, mais on s'est vu, mais laisse tomber la Frollo, mon pote. C'est quoi son truc? Mais elle aime trop l'oseille. Non. Paye-moi ci, paye-moi ça, mais elle est trop rush pour moi. What? Tu veux mes billets? Sortez vos billets, sortez vos billets. Elles veulent voir vos billets. Elles veulent tout ton oseille, des sons plats et de l'eau fraîche, sans même bouger l'orteil. Elles veulent rouler en corvette. Tu peux rester chez toi si t'as pas d'euros sous la veste. Regarde toujours en l'air parce que leur poule en sortait. On arrive en équipe, on débarque en cortège. Ce soir j'ai une dé de ouf à la dorsale. Je vais soulever un truc lourd malgré mon corps frais. Mes négros toujours frais, en costume ou en sportwear. Viens t'asseoir avec nous, y'a des tailles en bordel. On est toujours serein malgré l'alcool dans le cocktail. Fais monter ma folie, bébé baby, t'es trop fraîche. Tendre, danse pour moi, montre-moi t'es trop sexe. Fais-nous voir un peu comment tu bouges ta grosse caisse. Motive-nous un peu histoire qu'on sorte notre oseille. Laisse tomber ton vieux mec, on oublie les procès. Laisse tomber les prises de tête, pas de problème. Groupie, groupie love. Groupie love, groupie groupie love. Tu veux mes billets? Sortez vos billets, sortez vos billets. Elles veulent voir vos billets. Groupie groupie love, groupie love, groupie groupie love. Tu veux mes billets? Sortez vos billets, sortez vos billets. Elles veulent voir vos billets. Elle veut un nouveau téléphone et de l'argent pour faire les soldes. Elle aime un peu les hommes, elle aime beaucoup les sommes. Vraiment vraiment belle, mais elle a l'appétit d'un ogre. Elle est ingérable pour le porte-monnaie d'un homme. Elle est convaincante dans son boom boom boom short. Elle te parle bien si t'as la vroom vroom vroom Porsche. Elle est OP quand ta paye devient bonne. Elle veut t'ambiancer quand ton rap devient gold. Elle est toujours présente dans les ambiances hip-hop. Elle aime les frères Lascar, les chiens à la Snoop Dogg. Elle kiffe l'argent et le sexe, relation coupe-gorge. À cause de l'oseille, elle aime les hommes de toutes sortes. Groupie, groupie love. Groupie, groupie love. Groupie, groupie love. Tu veux mes billets? Sortez vos billets. Sortez vos billets. Elles veulent voir vos billets.